Je t'adore pour la santé que tu m'as accordée. Je t'adore pour la famille que tu m'as donnée. Je t'adore pour le travail que tu m'as donné. Je t'adore pour le mari, pour la femme, pour les enfants que tu m'as donné. Je t'adore pour les études. Je t'adore pour tout. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, bien-aimés, pour adorer ce Seigneur, ce Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné tout et qui va tout nous donner par sa grâce. Élevons nos voix. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi, oh Dieu, oh Dieu, tu nous as créés à ta ressemblance, qui est comme toi. Tu nous sauves et tout mon espérance. Amen. Amen. Tunaweza kuaclamer juu ya présence ya Mungu. Napenda kwanza ushimame pwima. Shimama kwanza yulu kiloko. Tu peux te tenir debout. La mukia nduku yako, la mukia dada yako. Tu peux saluer ton frère, ta sœur. Na umwambia sene vendredi, yale yuko vendredi spécial. Et tu lui dis que le vendredi d'aujourd'hui est un vendredi spécial. Fanya déplacement la mukia yako mtu moya. Uje déplacer la mukia nduku yako. Déplace-toi et tu peux saluer ton frère, tu peux na saluer umubariki. Ta sœur. Umubariki. Bénis-le. Amen. Amen. Banduku mnayua kama taifa ya Mungu inakusanyika hivi. Lorsque le peuple de Dieu s'est réuni comme ça. Ni Mungu apate kuweza kubavisiter. C'est pour que Dieu puisse le visiter. Na mangaribi ya leo. Et ce soir. Mungu ataweza kutuvisiter. Dieu nous visitera. Mungu atakukonsoler mangaribi ya leo. Dieu aura te consoler ce soir. Hapana kupotesha mawazo yako. Ne faut pas perdre ta pensée. Haukwe kupitisha wakati. Tu n'es pas venir passer. Unakuja kurencontrer pamoja na baba yako. Tu es venir te rencontrer avec ton père. Basi tufinike mechu. Nous fermons nos yeux. Ina tushinda kufamu mapendo yake Mungu wetu mapendo ya yanapita mapendo yetu sisi wako alimutu ma Bwana Yesu kutoka kwake mbingu ikututafuta wenye zambi itupate kusamehe. Oh, inatushinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini tu najua kweli yatabakia daima, hata miaka inapita, vizazi vinakumbulana. Hata watu wa dunia wanakataa la kuamini. Mapendo ya Mungu ni sawa, makubwa sana na nguvu tayari kuokoa tushinda kufahamu mapendo haya ya makubwa, lakini tu najua kweli yatabakia daima. Mungu wetu, tunakushukuru mangaribi ya leo sababu ya mapendo yako. Nous te bénissons pour ton amour. Kabla tupate kuweza kushikia neno ya mangaribi ya leo. Avant d'écouter la parole de ce soir. Tunacha taifa yako mumbele yako Bwana. Nous abandonnons ton peuple. Konsole taifa yako kupitia neno yako. Construis encore ce peuple. Wewe unakuya Mungu mwenye unajua maisha yetu. Tu es le seul Dieu qui connaît. Utukonsole Seigneur. Console-nous. Utupangushe machozi Bwana. Essuie nos larmes. Utuoneshe njia ya kufuata. Montre-nous le chemin. Ingawa dunia inakwenda na vita. Et même si ce mandat a eu lieu, nous savons que ta parole est là pour nous préparer. Le moment d'enlèvement est proche. Nous bénissons le président. Nous bénissons ses assises. Nous bénissons que ta grâce nous couvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Wakati Papa Samuel anakaribia, tunabariki. Lorsque le prophète Samuel est en train de monter. Merci Papa, merci. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Tu sais qu'aujourd'hui c'est une journée de prière. Avant que nous puissions commencer notre message, j'aurais voulu que nous puissions un peu nous mettre debout pour une prière de 5 à 7 minutes parce que c'est une journée de prière. Alléluia. Amen. La première des choses que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas dire ceci à Dieu. La Bible dit ceci. Paul dit aux Thessaloniciens, nous avons voulu venir vers vous la première fois et pour la seconde fois, mais le diable nous en a empêchés. Non, il y a des niveaux dans lesquels tu veux atteindre, mais il y a une main noire qui t'empêche. Maintenant, tu vas dire ceci ce soir. Tu vas dire à Dieu toute puissance et toute miraille qui m'empêche à atteindre ma destinée, qui m'empêche à vivre la promesse de Dieu. Je renverse ça ce soir. Nous allons taper les mains, nous allons prier. Écoutez, je vais te dire une chose. Toute personne qui ignore les combats spirituels, c'est une personne qui est vouée à l'échec. Parce que chaque fois qu'on se lève, il y a des complots, il y a des attaques. Et le combat, ce n'est pas l'affaire d'une seule journée. Le combat, c'est pour la vie. Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Donc cela veut dire la vie c'est un combat. Si tu ne te lèves pas, il y a des choses que tu ne peux pas atteindre. Tu peux avoir des promesses de Dieu. On peut prophétiser sur ta vie. Mais si tu ne te lèves pas, briser ce qui t'empêche à vivre la destinée, tu vas toujours rester sur la même place. Et il y a même des combats qui empêchent à Dieu de te visiter. Il y a des, vous savez, les combats démoniaques, si tu ne les brises pas, tu seras toujours en retard. C'est pourquoi là où tu es, j'aimerais que tu pries très fort avec une colère spirituelle tout en ayant la foi en Dieu. Tu renverses la miracle. Tu renverses le blocage. Tu refuses aussi le retard. Nous allons entrer dans la prière. Nous prions tous ensemble. Nous commençons à dire à Dieu, nous détruisons. Montons dans la prière. J'aimerais que tu pries comme un soldat. C'est une journée de la prière. Tu détruis tout ce qui est comme miracle. Ô Père éternel Dieu de grâce, nous commençons à renverser toute miraille qui s'oppose, toute miraille qui nous empêche à atteindre la destinée. Nous renversons, nous détruisons au nom puissant de Jésus. Commencez, tape les mains, prier, tape les mains, prier. Dites à Dieu, je refuse. Dites à Dieu, non. Je déclare la délivrance. Je déclare la victoire. Je déclare la délivrance. Je brise, ô Dieu de grâce. Continue à monter dans ta prière. Continue à monter dans ta prière. Continue à détruire. Continue à renverser. Continue à dire à Dieu, je renverse toute miraille. Écoutez, Israël voulait continuer à prier. Israël allait à entrer au Canaan. Mais il y avait une miraille devant eux qui les empêchait d'aller à entrer au Canaan. C'est la miraille de Jéricho. Ils ont détruit, ils ont renversé. Continue à prier, continue à prier. Yes, my brother, continue à prier. Monte dans ta prière. Dis à Dieu, je refuse de traîner. Je refuse d'être bloqué. Maravache. Je refuse Continue à monter, continue à monter. Continue à dire à Dieu le blocage. Continue à dire à Dieu au ramage. Amen. Tu vas dire Jésus, tout géant qui m'empêche, tout géant qui me précède, tout géant qui me cache, tu vas dire à Dieu que ces géants tombent ce soir. Prie le Seigneur là où tu es. Continue à dire à Dieu, tout géant qui me cache, tout géant qui bloque mes affaires. Père éternel Dieu de grâce, tout géant qui s'élève, tout géant qui est au-devant de nous, tout géant qui est au-devant de ma destinée, tout géant qui est au-devant de mes projets, je commence à les faire tomber. Il tombe au nom puissant de Jésus. Il tombe au nom puissant de Jésus. Il libère ma destinée. Il libère ma bénédiction. Il libère au ramage. Continue en prière. Continue à les renverser. Père éternel, je commence à détruire, je commence à déclarer que tout géant qui marche au-devant moi, tout géant qui bloque ma route, tout géant qui bloque mon passage, il tombe au nom puissant de Jésus. Marabash. Tu vas aller à la dernière fois, tu diras ceci, Jésus. Tu vas dire que mes portes s'ouvrent. Que mes portes s'ouvrent. Parce qu'il n'y a rien qui peut passer tant que les portes sont fermées. Esaïe 71 dit, tes portes seront toujours ouvertes. Jour et nuit. Afin que les nations t'amènent des trésors. Et les rois avec leur suite. Tu vas dire à Dieu que tes portes s'ouvrent. Prie le Seigneur. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Prie le Seigneur. Monte dans ta prière. Continue à prier, continue à parler. Continue à parler. Merci, Saint-Esprit. La dernière prière, tu vas dire à Dieu que le feu s'allume en ce lieu. Que le feu du Saint-Esprit s'allume en ce lieu. Nous voulons prier dans le feu. Nous voulons écouter la parole dans le feu. Tu claques tes mains, tu pries là où tu es. Tu claques tes mains, tu pries. Claquez tes mains, claquez tes mains. Pika mikono yako. Amen. Tu vas dire ceci, Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Saint-Esprit, oriente-moi ce soir. Merci, Saint-Esprit, pour ta visitation. Merci, Saint-Esprit, pour l'orientation. Merci, Saint-Esprit, pour ma bénédiction du soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu acclames pour le Seigneur. Ça c'est pour les chefs du quartier. Acclamons pour le roi des rois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut taper les mains très fort? Il acclame pour le roi des rois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux. Alléluia. Amen. Nous bénissons Yahweh pour cette soirée d'aujourd'hui. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dans la vie il y a deux fois. Ce n'est pas seulement prier beaucoup. Moi, je suis un homme de la prière. C'est ça ma vie depuis que je suis venu au Seigneur. Dieu m'a fait grâce d'être dans des églises de feu. Les églises de prière. C'est comme ça que j'ai grandi comme ça. J'aime beaucoup prier. Et Dieu nous aide quand même. Mais il y a des fois, il y a des semaines dans lesquelles Dieu veut seulement te parler, t'enseigner. Te donner des principes qui vont t'aider à arriver à la grandeur. Parce que prier sans connaissance n'engendre rien. Et la prière sans la connaissance peut engendrer des démons. Hein? Maombi bila ufahamu inaweza kuzala mademona. Je vais vous expliquer. Dans notre église, il y avait un monsieur là qui s'appelait Stéphane. Mokanisa yetu mlikuwa nduku jina lake likuwa Stéphane. Lui, il aimait beaucoup prier sans parole. Yeye alipenda kuomba sana bila neno. Même si il y a séminaire à l'église, il dit l'hygiène, il est à la maison. Hata kuko mina kanisa yeye anafunga na baki nyumbani. On lui dit, il y a enseignement à l'église. Wanamwambia kuna kuwa mafundisho kukanisa. Lui te dira que moi le Saint-Esprit va m'enseigner. Yeye atakuambia kusema Roho Mtakatifu itanifundisha. Écoutez, ce n'est pas toutes choses que le Saint-Esprit va t'enseigner. Aina kitu yote Roho Mtakatifu inaweza kukufundisha. Si vous laissez toutes les choses de ta vie à la merci du Saint-Esprit, tu ne réussiras pas dans ta vie. Parce qu'il y a la part du Saint-Esprit et il y a la part de l'homme. N'est-ce pas ça? Alléluia. Il y a des choses que c'est toi qui dois les faire. Et le Saint-Esprit viendra t'aider dans ce que tu fais. Mais si toi, tu n'aimes pas étudier, tu n'aimes pas être enseigné. Maintenant, un jour, il vient. Je faisais toujours témoigner. Un jour, il vient à l'église. Il porte sa chemise. Les boutons sont derrière. Alors, on lui dit, tu as mal porté ta chemise. Il nous dira, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dit de porter aujourd'hui. Ah, c'est comme ça. Peut-être. Un autre jour, parce qu'il menait une mauvaise vie. Il était tellement pauvre. Maintenant, le frère de l'église, les mamans, les papas de l'église, à la fin du culte, on leur donnait l'argent pour l'aider. On lui donnait l'argent. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, mettez par terre. Moi, je vais ramasser par terre. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a orienté. Là, il était déjà devenu un gangakisi. Il était devenu marabout. Parce que ce ne sont que des marabouts qui n'aiment pas recevoir l'argent directement. Il te dit de mettre dans le panier. Quand il sort, il récupère rapidement, il met dans ses poches. Après cela, il a dit que le Seigneur lui a dit d'aller prêcher les rebelles pendant qu'il y avait la guerre qui avait divisé le Congo en deux parties. Et depuis qu'il était parti les prêcher, jusqu'à aujourd'hui il n'est plus revenu. Donc cela veut dire qu'il était mort. Ni kusema alifariki. Parce qu'il voulait beaucoup prier sans être enseigné. Bila kufundisha. Parce que si tu n'as pas l'enseignement, kama unakosa mafundisho, un esprit de divination peut entrer en toi. Ile pepo fulani ya kimungu inaweza kuingia ndani mwako. Donc tu deviens tu vois des visions, tu peux même avoir des prophéties, mais ça ne vient pas de Dieu. Unaweza kuwa na maonyo au matabiri lakini haitokee kwa Mungu. Mais il y a même dans la Bible il y a une femme qui avait l'esprit de Python. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas tout celui qui prophétise, ça vient de Dieu. Hein? Il y a d'autres qui ont des esprits de divination. Amen, amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons encore apprendre d'autres choses. Nous sommes dans notre enseignement qui est intitulé les dieux des rencontres. Tunakuwa mu mafundisho yetu yenye inasemezia Mungu wa makutano. Cet enseignement, nous l'avons tiré dans Juges chapitre 6, versets 11 à 14. Iyo mafundisho tunaitosha Muamuzi sura yake wa 6. Je lis seulement le 12e verset. L'ange de l'Éternel lui apparut. Malaika wa Bwana akamonekani. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Kamwambia Bwana amekuwa pamoja nawe. L'ange de l'Éternel lui apparut. Malaika wa Bwana akamonekani. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Akamwambia Bwana ni pamoja nawe msujaa. Cette apparition de l'ange de l'Éternel. Il était na kuonekana kwa malaika wa milele. C'était Dieu qui a rencontré la personne de Gédéon. Nous avons dit que dans cet enseignement, il y a plusieurs points. Nous avons parlé, le premier point, c'était la définition. Deuxième point, nous allons dire, nous avons parlé sur les sortes de rencontres. Nous avons dit qu'il y a deux sortes de rencontres. Nous avons dit que la première rencontre, c'est Dieu lui-même, la rencontre directe. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a rencontré Moïse. Lui-même est allé rencontrer Abraham. Et il y a aussi, deuxième point, ce sont les rencontres indirectes. Dans les rencontres indirectes sont très fréquentes. Et c'est là que Dieu nous rencontre chaque jour. Et vous allez voir, il te rencontre à travers les hommes. Il y a des hommes que nous avons croisés dans la vie et notre destinée a changé. Il y a des hommes que nous avons rencontrés dans notre vie, nous sommes allés dans une autre dimension. Et les rencontres indirectes sont compliquées parce que beaucoup de gens n'ont pas le discernement de comprendre que ça c'est une rencontre divine. Et nous avons parlé sur les caractéristiques des rencontres. Et maintenant, nous avons commencé à parler hier comment Dieu rencontre les gens. Comment est-ce que se font les rencontres de Dieu? Nous avons dit la première des choses. Si Dieu veut rencontrer quelqu'un, il passe par la routine de sa vie, ce qu'il a toujours fait. Ce que tu fais pour Dieu, c'est dans ce que tu fais là que Dieu te rencontre. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger ce que tu fais. Ce que tu fais, faites-le bien car ta bénédiction en dépend. Même si on t'a dit de balayer cette église, c'est ça ton travail. Faites-le bien sans murmurer, avec joie, parce que c'est là que Dieu va te rencontrer. Nous avons parlé comment est-ce que Dieu a rencontré Zacharie pour lui donner Jean-Baptiste. Il a trouvé Zacharie toujours à son poste. Il a rencontré Zacharie à l'autel, il y servait l'Éternel. C'est là que l'ange est apparu, Gabriel est apparu. Le messager de Dieu est apparu. Dans notre version, on l'appelle l'homme Gabriel. C'est là qu'il est apparu à Zacharie. Et lorsqu'il est, nous avons dit que dans les caractéristiques des rencontres de Dieu, nous avons dit que ce sont des rencontres qui se manifeste par des miracles. Vous savez, quand Dieu te rencontre, il y a toujours des miracles qui s'opèrent. Quand tu as rencontré Zacharie à son poste, c'est là que Zacharie a eu un miracle parce que là, j'étais déjà avancé. Ma prière ce soir est que Dieu puisse te rencontrer toujours dans ce que tu fais. Écoutez, même des prédicateurs prêchent seulement la parole de Dieu. Continue à prêcher chaque jour avec foi. Continue à prier pour ce ministère. Continue à faire ce que tu as toujours fait. Un jour, je vais te rencontrer dans ce que tu as toujours fait. Écoutez, le paralytique qui était à la belle porte, lui, on le déposait chaque jour devant la porte la belle. Et il n'a pas dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas demander le monde. Lui continue toujours à demander chaque jour. Un jour, il demande à Pierre, Jean et Jacques. C'était un jour qui était décisif, qui a changé sa destinée. Parce que c'est le jour que Dieu a fait un miracle dans sa vie. C'est le jour que Dieu a guéri ses pieds. Et c'est ce jour-là que lui, quand il est entré dans le temple, écoutez, il n'était plus resté là où tout le monde s'est trouvé. Il est allé dans le temple, dans un lieu qu'on appelait, cette partie, le nom m'échappe un peu, la chambre de Salomon. C'est un lieu réservé pour les dignitaires, les autres placés. Écoutez, le jour que Dieu va te rencontrer, tu vas dépasser tous ces gens qui t'ont précédé. Écoutez, sois toujours fidèle à Dieu dans ce que tu fais. Écoutez, même si tu, il y a des fois Dieu peut t'inspirer à faire quelque chose de ta vie. Peut-être que tu es en train de vendre quelque chose. Mais les choses ne marchent pas. Sois fidèle en ce que tu fais. Respecte le principe de Dieu. Il y a un jour ce que tu fais là. Dieu va te rencontrer là-bas. Et ça va changer ta vie. Amen, Église. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième chose. Comment est-ce que Dieu fait pour rencontrer les gens? La deuxième des choses, vous devez avoir la révélation de l'endroit. Écoutez, il y a des endroits, si tu te tiens là-bas, tu vas voir la main de Dieu. Dieu va se manifester dans ta vie. Et il y a des endroits, si tu entres, tu perds même la visitation divine. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. À la naissance de Jésus-Christ, il y avait une étoile qui était à Paris. Maintenant, le mage avait la révélation, la connaissance de la chose depuis longtemps. Alors, quand ils ont vu l'étoile directement, ils ont compris que le roi est né. Maintenant, ils ont commencé à poursuivre cette étoile. C'est l'étoile qui les dirigeait vers la maison d'adoration. Maintenant, lorsqu'ils suivaient cette étoile, la Bible dit, quand ils sont arrivés chez Hérode, directement l'étoile s'est perdue. Donc cela veut dire qu'il y a des endroits, si tu y arrives, tu risques de perdre la visitation divine. C'est le jour qu'ils sont sortis chez Hérode que l'étoile est encore réapparue sur leur chemin. Et maintenant, quand Dieu voulait rencontrer Moïse, qu'est-ce qui s'était passé? Moïse avait besoin de la rencontre avec Dieu. Maintenant, Dieu a dit quoi à Moïse? Nous lisons Exode 33, verset 20 à 22. 33, verset 20 à 22. La Bible dit ceci, suivez-moi très bien. La Bible dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. L'Éternel dit, Voici un lieu près de toi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Alors, Dieu, Moïse, parce que dans les rencontres avec Dieu, il y a une autre notion qu'on n'a pas parlé. Dans les rencontres avec Dieu, la plupart du temps, c'est Dieu qui va vers ses enfants. Mais il y a des fois, toi aussi, tu peux aller vers Dieu. Tu peux provoquer une rencontre avec le Seigneur. Et si Moïse avait l'envie de voir le Seigneur, il avait l'envie de voir Dieu. Et Dieu lui dit, un homme ne peut pas me voir ou voir ma face et continuer à vivre. Mais là, pour que l'homme puisse me voir et rester en vie, il y a un lieu où il doit se trouver. Maintenant, le lieu c'est où? Il dit que l'homme doit se trouver sur le rocher. Donc, si on est sur le rocher, on peut être rencontré facilement par le Seigneur. Il dit il y a un lieu à côté de toi. Donc, c'est là, ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Ce que tu cherches est avec toi. Ce que tu cherches est à côté de toi. Maintenant, Dieu lui dit, tu dois te mettre sur le rocher. Quand moi je passerai, je vais te mettre dans le creux du rocher et je vais te couvrir de ma main et je passerai. Et tu verras mon dos. Alléluia. Écoute, Église de Dieu, Dieu, s'il veut te rencontrer, il y a des lieux spéciaux sur lesquels tu vas te trouver. Or, pour que Dieu puisse rencontrer la personne de Moïse, Dieu lui dit, tu dois être sur le rocher. Or, si nous allons dans la Bible, Corinthiens nous dit quoi? Corinthiens nous parle du rocher comme la personne de Jésus-Christ. Le rocher que les enfants d'Israël ont rencontré dans le désert, c'est la personne de Jésus. Donc cela veut dire que si Dieu veut te rencontrer, il va te rencontrer en Jésus-Christ. Je vais vous dire, beaucoup de gens, ils ont été sauvés. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais jusqu'à présent, il y a quelque chose qui les échappe. Qu'est-ce qui les échappe? Ils ne savent pas demeurer en Jésus. Or, Jésus a dit quoi? A dit que je suis le sarment. Je suis la vigne. Et vous êtes le sarment. Demeurez en moi, comme moi aussi je demeure en vous. Parce qu'il est impossible au sarment de produire le fruit en dehors s'il n'est pas attaché aux vignes. Donc cela veut dire, lorsque vous êtes dans le Seigneur, vous êtes dans les rochers. Donc tout celui qui est attaché à Jésus-Christ, il ne reste pas stérile. Mais là, Jésus, il dit que si on a fait ceci à moi, qui est un arbre vert. Mais là, Jésus s'est présenté comme l'arbre. Mais avant sa mort, il dit une chose. Je détruirai ce temple en un seul jour. Et après, je vais le reconstruire après 3 jours. Les Juifs se sont mis en colère. Comment il peut dire ça? La chose qui a été construite pendant des années. Mais comment il peut blasphémer? Comment il peut dire lui, il va détruire dans un seul jour? Et construire le temple après 3 jours. C'est parce qu'il n'avait pas la révélation de ce qu'il disait. Lui ne parlait pas du temple visible. Lui parlait sur le temple qui est mobile. Lui, il parlait sur le temple qui est spirituel. Or que le temple qui est spirituel, c'est la personne de Jésus. Maintenant, quand vous entrez dans, le, dans l'église sous féconde, vous n'entrez pas dans, dans cet édifice. Spirituellement, vous entrez en Jésus. Et quand vous entrez en Jésus, c'est là que Dieu vous rencontre. C'est pourquoi même la Bible dit ceci, n'abandonnons pas nos assemblées. Ça c'est Hébreux chapitre 10 verset 25. Donc le fait d'entrer en ces lieux, spirituellement vous entrez dans un temple spirituel. Oh, cet temple qui est spirituel, c'est la personne de Jésus. Oh, laisse-moi aller très loin avec toi. La Bible dit ceci. Chaque année, Anne montait au temple. Elle était en train de servir le Seigneur. Mais toutes ces années-là qu'elle a fait, en allant au temple, elle demeurait toujours dans la stérilité. Mais c'est le jour qu'elle a eu la révélation. Ils ont fini de prier. Ils sont rentrés à la maison. Mais Anne n'avait pas mangé la nourriture. Anne a fait encore le retour au temple. Cette fois-là, elle n'est pas allée dans l'édifice. Mais cette fois-là, elle a compris la révélation dans un temple spirituel qui est la personne de Jésus. C'est ce jour-là que la stérilité qui était dans la vie de Anne avait disparu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a des fois, même si papa désiré n'est pas là, son Dieu est en ce lieu. Mais là, quand vous entrez spirituellement, vous ne voyez pas cet édifice. Vous ne voyez pas celui qui est à côté de toi. Parce que fois tu peux entrer à l'église, mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui t'a critiqué. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais lorsque vous entrez, tu termines de prier, tu ouvres les yeux, il est à côté de toi. Mais si tu n'es pas spirituel, ton culte sera zéro. Mais si tu entres dans le temple qui est spirituel, qui est la personne de Jésus, malgré que c'est lui qui t'a compliqué à côté de toi, mais toi tu vas toujours rencontrer Dieu parce que tu es dans les rochers. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je révèle des mystères à quelqu'un? Le lieu dans lequel Dieu te rencontre, il te rencontre en Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Demandez toutes choses à mon nom et mon Père va vous exaucer. Donc nous devons arriver à monter des dimensions spirituelles. Des fois, Dieu ne rencontre pas parce que nous venons dans une attitude, dans l'attitude qui est tellement charnel. Ici, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Si tu entres avec la révélation de Dieu, il va te rencontrer et il va changer ta vie. Moi, j'ai aimé le retour le retour d'Anne au temple. Parce que pour la première fois, ils sont partis avec son mari. Avec Penina, sa rivale, qui mettait au monde, qui faisait du mal à Penina, et qui faisait du mal à Anne. Et même la Bible dit ceci, cette femme de Penina l'a tourmentée seulement au moment d'aller prier le Seigneur. Donc elle a compris que cette femme, sa solution n'est pas charnelle. Sa solution n'est pas à l'hôpital. Sa solution, c'est dans le temple. Si je la taquine avant la prière, elle va perdre la spiritualité. Et quand elle va s'approcher devant Dieu, c'est difficile que Dieu puisse la rencontrer. Maintenant, c'est pourquoi Anne a décidé une chose. Quand ils sont rentrés, Penina est restée à la maison. Son mari est resté à la maison. Elle est partie seule. Et quand elle est partie, elle a rencontré le Seigneur. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Quand tu entres ici, tu entres seul. Laissez les gens à côté. Laisse-le parler. Mais toi, entre dans la révélation divine. Et c'est là que Dieu va te rencontrer. La plupart du temps, Dieu ne rencontre pas les gens. C'est parce qu'il voit les gens à côté d'eux qui l'ont fait du mal. Les gens qui les ont critiqués. Parce qu'ils ont vu les erreurs des gens. En voyant les erreurs des gens, est-ce que lui aussi va aller chanter là-bas? Non, non, toi tu n'es pas un juge. Toi ton problème c'est rencontrer Dieu. Si lui il a commis des choses, c'est son problème avec Dieu. Toi aussi tu as ton problème avec Dieu. Toi ton problème c'est rencontrer le Seigneur. Parce que si tu rencontres le Seigneur, ta vie sera transformée. Qui ne connaît pas par ta transformation, tu peux aussi transformer la vie d'une autre personne. Il y a une façon d'évangéliser. Si Dieu te change, tu peux changer une autre personne. Amen. Amen. Et l'autre là, même Kasongo commence à parler en langue. Et aussi il commence à prophétiser. Mais elle est finie seulement il y a quelques jours à l'église. Tu peux conseiller une autre personne de changer aussi sa vie. Écoutez, quand on vient à l'église, ce n'est pas seulement que comme papa désirait, c'est notre pasteur. Ça veut dire qu'il est pasteur de tout le monde. Oui, en général, il est pasteur de tout le monde. Mais en particulier, toi aussi tu peux être pasteur de quelqu'un. Laisse-moi t'expliquer. Il y a des gens, s'ils viennent à la sauce féconde, c'est parce qu'ils aiment la chorale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui viennent à l'église. C'est parce qu'ils aiment la chorale. Il y a des gens qui viennent à l'église. Parce qu'ils aiment le musicien. Il y a des gens qui viennent à l'église. Parce qu'ils aiment un ancien de l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église. Parce que maman telle aussi prie en ces lieux. Maintenant, si toi, qui est son pasteur indirectement, tu n'es pas transformé par les rencontres divines, tu ne changeras pas aussi sa vie. C'est pourquoi dans l'église il y a des gens, tu peux dire qui peut donner $100 à Dieu et la même $300, $500 dans la poche, la personne ne donne pas. Mais quand seulement il voit que le frère Benjamin s'élève. Ah, lui aussi, c'est dans les bons. Lui aussi, il s'élève. Les choses de l'église sont très compliquées. C'est pourquoi faites attention de combattre la vie de quelqu'un. Si tu combats la vie de quelqu'un dans l'église et qu'il quitte l'église, qui sait qu'il avait 10 fidèles dans cette église? Vous allez voir, il y a même des gens qui ne parlent pas avec cette personne. Mais quand ces gens voient seulement cette personne dans l'église, ils sont contents. Je suis en train de moi, je suis pasteur, je connais les choses. Je suis apôtre et pasteur. Amen, église. Amen. Donc, le lieu de rencontre, c'est l'église. Alléluia. Amen. C'est ici que Dieu va vous rencontrer. Alléluia. Ne dis pas même à la maison, il faut me rencontrer, non. Oui, il y a des visitations qui se font à la maison. Mais pourquoi Dieu a implanté l'église dans le monde? Il a dit ceci à Moïse. Vous allez me construire le tabernacle pour que je puisse demeurer au milieu de mon peuple. Parce que ça veut dire venir à l'église, c'est provoquer une rencontre avec Dieu. Mais ça dépend de ta disposition spirituelle, de la sensibilité spirituelle. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Il y a des gens qui peuvent venir à l'église à cause de maman pasteur. Maintenant, si tu taquines la maman pasteur, tu as détruit la vie de plusieurs personnes. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des gens qui viennent à l'église à cause seulement d'un chantre qui chante à l'église. Ils sont contents quand lui il est là. Donc nous devons prendre nos responsabilités. Écoutez, cette semaine je sens enseigner beaucoup que prier pour les gens. Suivez-moi très bien, nous venons d'une croisade et cette croisade a un but aussi de gagner les âmes, a un but aussi que l'église puisse croître. Maintenant, le problème en est que beaucoup de gens ne savent pas leurs responsabilités devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même venir à l'église chaque jour, c'est une manière de garder l'âme de quelqu'un. Il y a des gens qu'on les appelle les secondos. Donc ils ne dépendent que d'une autre personne. Il y a des gens qui ne sont pas des leaders. Ce sont des gens qui sont bons quand quelqu'un est là. Maintenant, si c'est quelqu'un là n'est pas là, donc cela veut dire même si tu es à la maison, même si tu ne vois pas quelqu'un de venir t'appeler à l'église, quelqu'un te parler de l'église, sache que tu as tes fidèles à l'église. Alléluia. Alléluia. Même ta façon de danser. Un jour, l'un de mes fidèles est venu me dire, j'ai dit, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Moi, j'ai dit, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, mais papa, moi, depuis que la sœur telle, je ne vois plus la sœur telle. Ah, c'est pourquoi moi aussi je ne viens pas. Je lui ai posé des questions. C'est ta soeur biologique? C'est ton ami? Elle va me dire ceci. Moi, quand elle danse là à la chorale, je sens l'onction, je sens la joie de servir. Moi, j'ai toutes les onctions ici, je prie pour les gens guérissent, je prêche. Donc, pour toi, ça ne te dit absolument rien. Alléluia. Amen. L'église a des problèmes. Un pasteur m'avait dit, un jour, il a beaucoup prêché. Mais un papa pleurait. Quand lui voyait ses papas pleurer, il a augmenté sa prédication. Il a donné des mystères. Il a dit qu'aujourd'hui, la prédication est en train de toucher l'âme de quelqu'un. Il dit ce jour-là, j'étais habillé en veste noire avec une chemise blanche sans cravate. Maintenant, le papa me dira ceci. J'ai dit, vous allez m'appeler ce papa, je vais causer avec lui. Il dit, papa, je vois que la prédication t'a touché. Et tu pleurais tellement. Il dit, non, ce n'est pas la prédication. J'avais un bouc. Comment voler il y a pas une semaine. Il était noir. Il avait la couleur blanche. Et quand je te regardais là-bas, le pasteur était barbu. Il dit, je me souvenais de ce bouc, je voulais le vendre, mais on m'a volé. Vous voyez comment est-ce que l'église est compliquée? Toi, tu crois que tu touches les âmes de Dieu, mais les autres voient les boucs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Ecclésiaste 1,14 dit quoi? J'ai vu tout ce qui se passe sous le soleil. Et voici, tout est vanité. Et